Histoire numéro 2, Jehiel tire en l'air. Donc, Monsieur Sholem Aleichem, j'avais promis de vous raconter comment mon Jehiel avait été mobilisé par le tsar qui l'avait envoyé au front avec tous ses Rouski à lui pour tirer sur les Allemands. Surtout que vous n'avez pas idée dans quel état je l'ai ramassé, mon Jehiel. Cela donnerait à tous ces gens-là, sur ce bateau, matière à réflexion sur ce qui les attend là-bas, dans l'Eldorado, vous suivez? Parce que moi, en fait, j'ai horreur de raconter les choses en longueur, voyez-vous? Donc, je vous fais grâce de tout ça. Et je passe immédiatement à la façon dont on lui a enfilé un uniforme. On lui a mis un fusil entre les mains et on lui a dit « En avant, Jehiel !» C'est-à-dire « Va sauver le pauvre Nicolas des pattes de l'Allemand !» Ouvrez tout grand vos oreilles, vous allez voir. Quand le tsar décide de se cogner la tête à celle de ce bloc de bois d'Occident, qui ne vaut pas 3 kopecks, alors il met le feu au monde entier. Aussi, le voilà lui-même qui s'enfonce dans la boue jusqu'aux oreilles, et que c'est mon Jehiel à moi qui doit le sortir de la crotte. De quoi faire péter le miroir, non? Qu'en pensez-vous? Après tout, Sholem Aleichem, c'est vous, non? Bon. Alors voilà mon Jehiel tirailleur. Ça n'a rien de drôle. Moi, je n'ai naturellement pas tendance à me vanter, non. Mais si vous passiez par chez nous, à Yonev, et même à Krushnik, notre ville à nous, et vous demandiez à n'importe quel gamin dans la rue, qui c'est, les fils à Jacob Yonever, alors vous entendriez ce qu'ils ont à dire. Et sur Jehiel, mon Jehiel au-dessus de tous. Alors, quand le Kaiser est entré chez nous à Krushnik, je me suis présenté avec lui, avec mon Jehiel, avec le rabbin en titre et avec les 7 notables. Le chef de la garnison a commencé à parler de la contributia. Alors mon Jehiel, il lui a répliqué en pur allemand, « Monsieur le roi, comme ci et comme ça. » Et l'autre qui fait une attaque cérébrale, « Yiddish ? Je prends un chetsu Yiddish ?»« Mon Jehiel, il ne parle pas que le Yiddish, il parle aussi allemand. » Et puis pas seulement l'allemand, le français, l'anglais aussi, le polonais, comme un vrai polac de naissance, et même le russe. D'où il savait le russe? Il l'a attrapé avec le vent. Un vrai ruski. Parce que chez nous, on ne parle pas à ruski. Pourquoi? Comme ça. Nous avons le tsar en horreur, et nous n'aimons pas sa langue. Vous pensez que c'est particulier aux juifs de Krushnik? Non. Les polacs avec leurs moustaches ne l'aiment pas davantage. C'est seulement aujourd'hui qu'ils ont fait Moya Koshana, je veux dire Mutsi Mutsi à moi, à Miami, parce que le grand patron leur a promis des montagnes d'or, y compris l'autonomie et tout ça. Vous parlez, un coup de pied au derrière qu'ils vont se prendre. Le tsar, il sait ce qu'il fait, lui. Bon, mais j'oubliais que je n'en étais qu'au début, à la mobilisation. Maintenant, allez être prophète et allez savoir ce que Nicolas va déblatérer à Wilhelm. Zachem timin yelugar. Et puis, il va faire marcher ses fantassins. Et mon Jehiel au milieu, et pendant de moins de dvatsat, tchetirei, tchassa, ça va y être, vous comprenez ce que je vous dis? Ma bourgeoise va s'évanouir. Jacob, je n'ai pas la force. Jacob, c'est ma fin. Jacob, je suis morte. Moi, je lui réponds. Grosse bête, ça, c'est rien en face de ce qui risque encore d'arriver. Parce que Dieu, il a dans sa tête bien plus que ce que le bonhomme peut concevoir dans la sienne à lui. Mon cœur me disait que les ennuis ne faisaient que commencer. Mais les femmes, c'est les femmes. Elles ne veulent rien entendre. C'est pas possible, c'est pas possible. Et encore une troisième fois. Songez-y à elle, vous comprenez? Maintenant, à bien y regarder, elle n'avait pas tellement tort que ça. Pensez donc, pour qui donc le fils de Jacob Yonever allait-il se battre contre ses propres frères, la chair de sa chair, des gens de Cracovie et de Lemberg? Pour le tsar qui fait des pogroms? Et pour les Polonais qui nous mettent à l'impôt? Bon, ça c'est une chose. À part ça, mon Jehiel, c'était un beau garçon, un gars qui réfléchit, avec des idées à lui. S'il trouve qu'il y a quelque chose de tordu et que tous les rois de l'Orient et de l'Occident estiment que c'est droit, rien n'y fera. Il ne s'agit pas d'entêtement, nous sommes tous têtus après tout, les Krushnikois comme les Yonevois. Nous avons une réputation de gens qui tiennent à leurs idées. Moi non plus d'ailleurs, par exemple, moi je ne me plie pas facilement, tenez. Sur ce bateau, tout le monde prétend qu'on arrivera lundi en 8. Eh bien moi, j'affirme qu'on n'arrivera ni mardi, ni même mercredi. Cela m'étonnerait qu'on accoste jeudi. Vous pouvez me couper en morceaux, me hacher menu, je suis comme ça, moi. Attendons, on verra bien. En bref, on mobilise mon Jehiel, et quand le tsar veut quelque chose, on ne peut quand même pas se conduire comme un cochon, non? Une femme et des enfants, parce qu'il en avait une et 3, en plus, tout petit. Alors il nous quitte, je veux dire Jehiel. Ma femme s'évanouit 3 fois, on la ranime 3 fois. On attrape mon Jehiel, on l'envoie au turbin, avec tous les rouskis, sans rire. On commence à lui apprendre à tirer avec un fusil, comme à la chasse au canard. Raz, dva, tri, pri. Nous autres, les bourgeois de Krouchnik, on a voulu voir comment on leur apprenait à tirer aux fantassins. Eh bien, figurez-vous que ce n'est pas si difficile que ça. Une vraie plaisanterie. Faut pas avoir de cervelle. On apprend et on tire, c'est tout. Mais je sors de mon sujet. Eux, qu'ils se tirent dessus, qu'ils se noient les uns les autres, mais qu'ils laissent manger Jehiel tranquille. Ils ont besoin qu'il les aide à tirer. Vous comprenez? Ou peut-être pas. Mais lui, il n'aurait pas fait de mal à une mouche. On apporte un poulet à qui on vient de tordre le cou, ils détournent le regard. Quelqu'un se coupe le doigt, il s'évanouit. Et on prend un gars comme ça, on le met devant le feu et on lui dit de tirer. Et ils l'ont planté juste sous la limite entre Krouchnik et Yonev, où ce que les Allemands allaient juste entrer, et ils n'attendaient pour ça rien que mon Jehiel leur montre dès quel bois ils se chauffent. Alors mon aîné se met à réfléchir, et quand les autres crient « Raz, dva, tri, pri !» alors lui, il lève son fusil et il tire en l'air. Dans rien du tout ni dans personne, vous suivez? Enfin, il tire sur Dieu, quoi. Le sergent s'aperçoit que tout le monde tire dans le tas, et juste un seul soldat tire en l'air. Il s'étonne, il accourt. Il regarde et il tombe sur mon Jehiel. Alors son vieux fond de brute prend le dessus à cet Ésaü. Il hurle « Cacti bien ?» Tchidovskaya morda. Et toutes sortes d'injures comme seul le tsar en a plein la bouche. Pourquoi tu tires en l'air? Mais mon Jehiel, il ne s'émeut pas. Il continue à tirer au ciel. Et l'autre qui recommence. Cacti bien? Tchidovskaya morda. Tire là-bas, où tout le monde tire. Et lui montre la direction du doigt. Mais mon Jehiel lui répond calmement. Là-bas? Mais là-bas, il y a des êtres humains. Vous voulez savoir comment cela s'est terminé? Oh, malheur aux ennemis d'Israël! Au début, l'autre, c'était Zahula. Il restait abasourdi, les bras ballants. Parce que si on y regarde franchement, directement, quoi, eh bien, c'est quelque chose de terrible. On prend des gens vivants et on leur tire dessus, comme sur des oiseaux ou sur des bêtes féroces. Ils ont tous un père, une mère ou une femme, des enfants, vous comprenez ou non? Et si les gens commencent à se tirer dessus comme ça, alors où allons-nous? La guerre, d'accord, si les États l'exigent, mais vous savez quelle odeur ça. De plus, la désertion, ça, c'est inacceptable. Ça mérite la pendaison, le peloton d'exécution, le supplice de la roue, l'écartèlement. Mais comme disent les gens, il y a un dieu sur terre. Alors, qu'est-ce qu'il fait, lui? Écoutez un peu. Exactement au même moment, à la seconde près, voilà les Allemands qui envahissent la Pologne d'un autre côté. Et le tsar, le pauvre, qui fout le camp au galop sans même se retourner. Et tout ça, grâce à qui? Grâce au dieu des Juifs, pardi. Et tout ça, pour mon Jehiel à moi. Bon, d'accord. Le Créateur l'a condamné à tomber entre les pattes des Allemands. Mais c'est une autre histoire. Tiens, la cloche sonne. On nous invite au repas. Je ne sais pas comment ça se passe pour vous dans vos cabines, mais chez nous, en troisième, on nous gave 2 ou 3 fois par jour. Je ne chipote pas sur quelle nourriture on nous donne à nous comparé à ce qu'ils vous donnent à vous. Et si l'abattage est cachère ou non, et si on vous refile de celui-là qui grogne. Moi, je ne suis pas un cosaque au service de Dieu. Nous autres, de la troisième, on a droit à un légume de là-bas qu'ils appellent potatas. Alors il faut bien calmer son appétit, non? Après, on s'assoira sur l'entrepont, et je continuerai à vous raconter des contes de mille et une nuits, une vraie sortie d'Égypte, et le plus court sera le mieux. En attendant, je vous souhaite bon appétit, ou comme on dit chez nous, bienvenue, asseyez-vous et à votre santé.